Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les murs sont d'actualité, du moins pour les archéologues, puisqu'après celui édifié par Israël, les archéologues américains ont déjà évoqué que le mur de Donald Trump détruirait plus de 126 sites paléo-indiens, sans compter ceux historiques. Carbone 14 a lui aussi son mur, le Murus Gallicus. Par chance, décrit par César, il est gaulois. Dominant un immense territoire, le Beuvray est gigantesque vu du ciel, sorte de montagne sacrée où se fit l'histoire, celle de la nation, celle aussi des nations gauloises indépendantes, celle qui vit à son sommet l'union des peuples en révolte, Vercingétorix, chef des Gaules, avant d'accueillir, des faits, César et ses forces d'occupation. Bienvenue en terre éduenne, bienvenue au mont Beuvray. Rentré dans l'histoire en 58 avant notre ère, celui-ci disparut peu à peu des mémoires. Le mont Beuvray, sa ville gauloise, Bibracte, ne ressurgirent que 2000 ans plus tard sous la truelle des premiers archéologues. Pour retrouver toute sa place au tournant des années 80, au lieu de mémoire, grand site de France, un président de la 5e République voulut même s'y faire inhumer. Parce que Bibracte est un site archéologique hors norme, parce que des équipes de chercheurs issues de toute l'Europe s'y succèdent depuis plus de deux décennies. Vincent Guichard, bonjour. Bonjour. Archéologue, proto-historien, vous êtes le directeur de l'établissement public de Bibracte. Bibracte, c'est avant tout une place fortifiée, un rempart. Non, des remparts, des kilomètres de remparts. Oui, enfin plusieurs cercles de remparts qui entourent une colline. Aujourd'hui, 12 kilomètres certains et probablement quelques kilomètres supplémentaires qu'il reste à étudier. Nous voici dans un bel ouvrage militaire, mais aussi politique, à l'image de tous les autres murs, Berlin, Jérusalem, le projet de Donald Trump. Alors, oui, donc cette idée de construire des grands remparts autour des agglomérations, les Gaulois l'ont eu à la toute fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, y compris sur ce site de Bibracte. On va quand même rappeler sa localisation, au cœur de la Bourgogne, dans le sud du Morvan, à peu près à mi-chemin de la Loire et de la Saône, et à 20 kilomètres d'Autun. Autun qui est une ville qui a vraiment, dont l'histoire est complètement liée à celle de Bibracte. Donc ce qui va matérialiser la ville gauloise de Bibracte, et ce qui va vraiment être son acte fondateur, c'est la construction d'un grand rempart de 7 km de longueur, donc qui va ceinturer une surface d'à peu près 200 hectares, qui est toute la partie sommitale de cette colline détachée du massif du Morvan, qui est le mont Beuvray, et qui va dominer vraiment de sa masse un très grand paysage, qui est en fait le territoire du peuple éduin, qui va de la Saône à la Loire. Je reviens sur ce principe de mur ou de rempart. Il est bien sûr défensif, mais il est aussi ostentatoire. C'est lui qui définit l'urbain par rapport au rural. Alors comme tout rempart, je dirais, son statut est ambigu et est équivoque. D'abord, je pense que tout constructeur de rempart, même s'il est militaire dans l'âme, le fait en ayant l'espoir qu'il soit suffisamment dissuasif pour faire en sorte qu'il dissuade les adversaires de l'attaquer. Ou les migrants. Ou les migrants, éventuellement, pourquoi pas. Et dans le cas précis des Gaulois, on y reviendra peut-être, la question est peut-être pertinente. Donc tout rempart est à la fois une vocation défensive, d'être vraiment un ouvrage militaire, et également une vocation de prestige. Et tant qu'un rempart n'a pas été attaqué, il reste un ouvrage de prestige. Donc on est dans cette ambiguïté. Est-ce qu'il a été attaqué? Dans le cas précis de Bibracte, on n'en a pas la preuve. En tout cas, les sources historiques ne nous en parlent pas. César lui-même parle beaucoup de Bibracte sur le mont Beuvray, mais comme un lieu de rassemblement, jamais comme un lieu de bataille effective. Alors, sur le mont Beuvray lui-même, on a quelques traces de présence militaire, mais pas énormément. Et en fait, les traces, les indices de campement de troupes sont plutôt tardifs, bizarrement, par rapport à l'histoire du site. tout début du premier siècle de notre ère, et il n'est pas impossible que ce soit à mettre en relation avec les troubles que connaît la cité éduenne à ce moment-là. Vous savez, c'est la révolte de Sacrovir. L'aristocratie éduenne en a ras-le-bol de payer trop d'impôts et elle se révolte contre le pouvoir romain. Donc on sait qu'il y a eu des troupes qui ont été mobilisées à ce moment-là. Donc on en a peut-être la trace, les indices sont assez faibles. Mais c'est, en tout cas, c'est pas majeur dans l'histoire du Bracte. Les légions se seraient installées sur les pentes ? Exactement. Contrôlés, on a ces traces militaires sont sur un col qui est immédiatement en avant de la porte principale. D'ailleurs, à l'emplacement d'une nécropole plus ancienne. Quelle migration évoquiez-vous tout à l'heure ? Alors en fait, c'est, on a dans les Helvètes, si on lit César. Alors ça m'emmène un petit peu plus loin parce que bon, dans le récit que les archéologues ont produit sur l'apparition de ces oppidas, ces grandes fortifications à la fin de l'époque gauloise, hein, depuis une cinquantaine d'années. Celui qui dit que les oppidas sont une étape de plus vers un progrès de la société, vers une urbanisation, donc vraiment un petit peu dans une vision un peu marxiste des choses. Alors que paradoxalement, les sources antiques, qui sont nombreuses, nous indiquent que la période d'apparition des oppidas, qui est la toute fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, maintenant c'est très très bien cerné par l'archéologie, est une période de troubles absolument incroyables sur toute l'Europe, de la mer Noire au nord de l'Espagne, et qui... troubles qui sont provoqués, si on en croit les sources antiques, hein, par des mises en mouvement de populations plutôt de l'Europe du Nord, qui vont se déplacer dans différentes régions plus méridionales et qui vont entraîner dans leur mouvement des populations, par exemple, du cœur du monde celtique, donc d'Europe moyenne. Donc ce qui se met en place vers 120 avant Jésus-Christ va avoir des soubresauts pendant une bonne partie du 1er siècle avant Jésus-Christ et... La migration des Helvètes, hein, qui va provoquer l'arrivée de César en Gaule en 58 avant Jésus-Christ, c'est aussi la conséquence, si on en croit César, de ces mouvements de population, parce que les Helvètes sont pressés sur leurs arrières par des populations du Nord. Hein, ce sont les Germains d'Ariovistes. Je mets de gros guillemets ce mot Germain, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Donc voilà, tout ce qui se passe en Gaule pendant ce premier siècle avant Jésus-Christ semble avoir partie liée avec ces troubles très très importants. Hein. La migration, ça fait partie du monde celtique, de toute manière. Alors, oui, faire attention de ne pas calquer des concepts modernes ou des images, parce que les migrations de notre année 2016 ont une forme bien particulière, avec les mouvements de population qui ont pu avoir lieu dans le passé. Il est certain qu'à certaines époques, ce monde, on va dire celtique, aussi par commodité de langage, on pourrait y mettre des choses assez différentes derrière, est un monde qui a vécu en expansion. Je pense notamment à la période des 4e, 3e siècles avant Jésus-Christ, où vraiment on a l'impression, par exemple, que des populations de ces cultures celtiques vont se déplacer vers l'Est, vers le Sud-Est, vont investir la cuvette des Carpates et même aller plus loin. Certains traverser le détroit du Bosphore pour s'installer en Anatolie. Donc on a ce genre Galates, de test, les fameux Galates. Donc on a ces témoignages-là. Par contre, il est extrêmement difficile, je dirais, évaluer les effectifs qui sont en cause. Et on s'aperçoit que d'ailleurs, que la plupart de ces mouvements de population qui sont attestés par les sources antiques, on a énormément de mal à les corroborer par l'archéologie, sauf à extrapoler de façon un tout petit peu dangereuse. Vincent Guichard, vous connaissez les débuts de la ville. Par quel processus les Gaulois décident-ils de mettre en place le phénomène urbain à Bibracte ? Alors, ce que l'on connaît à Bibracte, moi je suis persuadé que c'est un phénomène général, parce qu'en fait on a quand même quelques dizaines de sites comparables à Bibracte qui ont été fouillés. Il y en a à peu près 200 à l'échelle européenne, entre l'Atlantique et l'Europe centrale, la cuvette des Carpates. C'est un phénomène véritablement soudain, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les années 120 avant notre ère. Aux années 120, 100 avant notre ère, et toutes les datations précises que l'on a, vraiment ce faisceau très, très très étroit. Ça peut être, dans certains cas, ceinturé une agglomération préexistante par un rempart. C'est le cas typique de Manching en Bavière, qui est aussi un site très très bien connu. Mais c'est assez rare. La plupart du temps, on s'est déplacé, on s'est installé sur une hauteur, c'est-à-dire dans une position qui était naturellement fortifiée, et on l'a renforcé, cette fortification naturelle, par un rempart. Donc c'est typiquement le cas de Bibracte, où on a des traces extrêmement diffuses de fréquentation des lieux avant la fin du IIe siècle, et une arrivée massive du population, je dirais, autour de 100 avant Jésus-Christ. Et tout cela étant corrélé avec la construction d'un premier rempart qui semble vraiment être l'acte fondateur. C'est un grand projet urbanistique quand même, qui a nécessité énormément de main-d'œuvre. Alors, c'est un projet militaire. Et donc un pouvoir fort. C'est un projet militaire, parce qu'on a des exemples d'oppidas où il y a le rempart, mais où il n'y a rien à l'intérieur. Hein. Est-ce que la volonté, quand on a commencé à tracer le périmètre de ce rempart, était d'accueillir durablement une population importante, c'est loin d'être évident. Hein. Voilà, un lieu de rassemblement pour des moments de crise ou pour des moments de raisons politiques ou religieuses, et les deux ensemble, pourquoi pas. Dans certains cas, une population est arrivée, s'est installée durablement. Dans d'autres cas, la population ne s'est pas installée. Hein. Mais à l'évidence, il y a la volonté d'un pouvoir pour mobiliser probablement des milliers de paires de bras pendant quelques mois, pour construire très rapidement ces remparts, qui sont vraiment des constructions extrêmement rapides, pour autant qu'on puisse en juger. Mais visiblement très solides. J'en parlais en début d'émission, c'est ce fameux Murus Gallicus décrit par César. Donc, bien sûr, du bois, de la terre, de la pierre, mais aussi des clous. Alors, il est efficace, facile à mettre en œuvre, ça ne demande pas une technicité extrême. La solidité, en tout cas, il résiste au bélier et à la sape. La résistance dans la dure aux intempéries est beaucoup plus problématique. Quand on s'aperçoit à Bibracte qu'on les reconstruisait tous les 20 ans. Donc ce mur qui a tant frappé César pour qu'il le décrive sous le nom de mur gaulois Murus Gallicus, c'est un talus de terre armée de poutres horizontales croisées et habillée de pierres sur la face extérieure, aval. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, mais qui est assez massif. Donc on peut avoir, dans le cas de Bibracte, 4 mètres, 4 mètres 50 de hauteur, précédé d'un fossé aussi important. Donc c'est un vrai barrage pour les assaillants. Qu'est-ce que vous aviez à l'intérieur? Pas grand-chose? Alors, à l'intérieur, il y a toute une ville à Bibracte. Hein, on a cette chance immense que le site a été important, ça a été un lieu de vie tout à fait important. Et en plus, l'autre chance, c'est que ce lieu de vie a été abandonné très vite, au moment du changement d'air ou un petit peu avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un terrain de jeu fantastique, nous, archéologues, de pouvoir... Fossile. Voilà, on a fossilisé, donc il suffit de remuer les feuilles mortes et la mousse sous cette forêt très belle du Mont Beuvray pour remonter immédiatement 2000 ans en arrière. Donc on a une agglomération qui est importante, qui est au maximum de son activité, devait avoir à peu près 1 000 000 de feux. Donc, un feu, une maison, 3 générations sous le même toit, si on veut faire une extrapolation, l'ordre de grandeur est à peu près de 10 000 habitants. Voilà, mais ça ne reste qu'un ordre de grandeur. Donc quand même quelque chose de tout à fait dense. On est dans la capitale des Éduins. Les Éduins, ce sont bien sûr un peuple très particulier, déclencheur de la guerre des Gaules. Ce sont aussi les alliés, puis les traîtres de Rome. Alors c'est une longue histoire qu'on va résumer rapidement. Donc les Éduins sont un des peuples gaulois qui sont les plus anciennement mentionnés par les sources écrites. Et pour ce qui nous intéresse, une singularité, les Éduins ont signé un traité d'alliance militaire avec Rome, en gros au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Façon de faire très, très inhabituelle de Rome qui préfère circonvenir ses adversaires plutôt que traiter avec eux sur un pied d'égalité. Donc un peu au moment de la création de la ville. Avant. On va dire un demi-siècle avant. Et pour quelle raison? À l'évidence, parce que les Éduins ont une capacité de nuisance importante. C'est un peuple qui a un grand territoire. Mais ce territoire qui contrôle les axes nord-sud, que sont la Saône, la Loire et l'Allier. Les trois grands axes qui font communiquer l'Europe du Nord avec l'Europe méditerranéenne. Il y a beaucoup de ressources dans l'Europe du Nord qui intéressent les Grecs et les Romains, notamment les ressources métalliques. Et visiblement, c'est cette raison qui a fait que les Romains ont essayé de ménager ce peuple gaulois. Donc, Bibracte sur le Mont Beuvray est créé quelques décennies après. Est-ce que c'est créé immédiatement comme une capitale? Ça, c'est une énigme. Et on verra que les résultats de fouilles de ces derniers mois ont peut-être amener quelques éléments de réponse. Très clairement, Bibracte est une capitale au lendemain de la guerre des Gaules, parce qu'on y retrouve le premier bâtiment d'architecture romaine qui était construit à Bibracte est un forum. C'est-à-dire vraiment là, on est dans un modèle architectural méditerranéen parfaitement caractérisé et qui est vraiment lié au lieu du pouvoir politique et juridique de l'unité administrative de base dans le monde romain qui est le municipe. Donc Bibracte est une capitale romaine au lendemain de la guerre des Gaules. Qu'en est-il avant la guerre des Gaules? C'est une question que l'on se pose aujourd'hui. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Vincent Guichard, c'est tout de même là que Vercingétorix s'est nommé chef des armées gauloises. L'unité gauloise se fait dans ce lieu. Oui, alors on n'a pas retrouvé les traces de pas de Vercingétorix sur un rocher du Mont Beuvray, mais on est bien évidemment, il faut croire César. César l'a dit. Quand il nous dit que Vercingétorix était confirmé à la tête de la coalition gauloise dans les semaines qui ont suivi sa victoire à Gergovie et un tout petit peu avant sa défaite finale à Alésia. Donc il est clair que Bibracte, pendant toute la guerre des Gaules, est un lieu de rassemblement des armées. Donc c'est vraiment une base arrière, un lieu de logistique où visiblement il y a du ravitaillement qui est disponible, tant pour les armées gauloises que les armées romaines. C'est un lieu où on peut convoquer une assemblée, c'est-à-dire qu'on peut y regrouper beaucoup de gens. Il y a les ravitaillements pour cela. Voilà le rôle de Bibracte. César ne dit jamais que les oppida sont des capitales, hein, alors qu'il en mentionne des dizaines dans la guerre des Gaules, des dizaines de reprises, et je pense que cette omission est signifiante. Hein. Et c'est une des bizarreries de cette société gauloise de la toute fin de l'âge du fer, hein, ce système où on a des lieux de pouvoir parfaitement caractérisés, ou des lieux au moins de résidence du pouvoir, qui sont ces habitats ruraux hypertrophiés qu'on a pu fouiller quelques-uns ces dernières années. Je pense à Batilly dans le Gâtinais, à côté d'Orléans. Je pense à Paul, site fameux du massif armoricain, et de quelques autres sites monumentaux, vraiment résidence palatiale, manoir un peu sur le modèle du Moyen Âge, associé à des tombes également prestigieuses. Et ben on n'a pas cet habitat et on n'a pas ces tombes à proximité des oppida. Comme si la relation entre le lieu du pouvoir, le lieu d'exercice du pouvoir et les oppida, c'était quelque chose qui n'était pas naturel. Et cette absence d'architecture aristocratique est à mon avis signifiante. Parler de Bibracte, c'est obligatoirement bien sûr évoquer les textes, c'est voir ses élites, voir les Vergobrais. Alors encore une réalité. Elle vient gobrer le pouvoir quand même. Qui n'a pas laissé de traces archéologiques évidentes. Il faut s'en croire. Il faut se référer une fois de plus au récit de César. Donc je vous rappelle que le Wergobretos est le magistrat suprême chez les Gaulois, ou du moins chez les Éduains, si on en croit César, et d'ailleurs un système qui est très proche du système consulaire romain, qui peut peut-être laisser imaginer que les Éduains se sont inspirés du système romain, avec leur Sénat et leur Wergobretos. Alors, il se trouve que César donne des noms de ces aristocrates en charge du pouvoir et du titre de Wergobret dans son récit sur la guerre des Gaules, et on a par ailleurs donc des monnaies des Éduains frappées au nom d'un certain nombre de personnes, et on retrouve les mêmes noms de personnes. Voilà. Donc Dumnorix, par exemple, adversaire de César, que César a fini par faire trucider, a frappé des monnaies qui sont assez rares, mais qui probablement ont été frappées à Bibracte, dont on a quelques exemplaires. Certains Vergobrais seraient même allés jusqu'à Rome. Alors, ou frère de Wergobret. Mais peut-être, dans un moment de sa carrière, le personnage dont il s'agit, Dewisiakos, a été Wergobret. En fait, c'est un double témoignage croisé qui est assez fascinant. Cicéron nous explique qu'il a reçu chez lui, en 59 ou 60 avant Jésus-Christ, un druide gaulois du nom de Dewisiakos, qui était un druide éduin, qui était venu plaider la cause de son peuple devant le Sénat romain, parce que les éduins avaient subissaient des pressions de leurs voisins orientaux, les Séquanes, qui eux-mêmes subissaient des pressions des Germains d'Ariovistes. Et donc, Cicéron a profité de ce voyage pour interroger ce druide, sachant que dans la culture gréco-romaine, on était persuadé que les druides étaient les détenteurs d'une sagesse ancienne, la sagesse pythagoricienne. César nous parle à de nombreuses reprises de Dewisiakos, frère de Dumnorix, qui intervient très souvent dans des entreprises de médiation. Il ne nous dit jamais qu'il est druide, mais il y a toutes les raisons de penser que c'est le même personnage que cite Cicéron. Donc Dewisiakos a certainement fréquenté Bibracte. Est-ce qu'il y avait une résidence ? C'est absolument impossible à dire. Et en tout cas, il a fréquenté Cicéron. Et en tout cas, il a fréquenté à la fois Cicéron et César, donc quelqu'un d'important à son époque. Sur le terrain, vous faites beaucoup de recherches à l'aide de nouvelles méthodes, géophysique, le lidar, etc. Alors, Bibracte est organisé comme un peu comme une salle de travaux pratiques partagée pour différentes universités européennes, dès l'origine, depuis qu'on a mis en place cet équipement scientifique et culturel sous l'impulsion du président Mitterrand au milieu des années 80. Donc, dans le cadre de ces missions-là, on essaye, dans la mesure du possible, évidemment, de tester de nouvelles façons d'aborder le terrain, nouvelles méthodes archéologiques. Donc, je crois qu'il y a exactement 10 ans cette année, on a été pratiquement les premiers en France à appliquer la technique des relevés LIDAR, donc relevés microtopographiques à partir d'un faisceau laser qui est embarqué dans un avion, pour avoir une image extrêmement précise des micro-reliefs du sol, y compris sous couvert forestier, parce que le faisceau laser passe entre les branches, si vous voulez, pour faire simple. Ce qui est le cas, le Beuvray. Ce qui est génial, parce que pour nous, la photographie aérienne ne sert à rien, parce que il y a un magnifique linceul végétal au-dessus de la ville gauloise, et cet outil s'est avéré providentiel pour avoir une lecture très très fine de cette topographie, donc ça révèle la position des remparts, la position des principaux principaux bâtiments et ceux qui s'installent sur des terrasses artificielles. La position des mines, c'est une découverte récente. On a beaucoup de mines anciennes du 1er siècle avant Jésus-Christ sur cette montagne. Des mines d'argent. Qui sont probablement des mines d'argent, mais le minerai était tellement gratté qu'il n'est pas toujours facile de caractériser ce qu'on a ramassé. Hein. Et donc, pour revenir sur ces questions des méthodes de l'archéologie, donc depuis 30 ans qu'on a repris les fouilles sur le Mont Beuvray, on essaye de tester chaque développement nouveau des méthodes qu'on appelle géophysiques, c'est une méthode qui permet d'ausculter ce qu'il y a sous le sol, hein, donc une méthode électromagnétique la plupart du temps, avec peu de résultats jusqu'à une période récente. Et là, depuis quelques années, je veux dire, ça tient à la fois des avancées technologiques, surtout des puissances de calcul qu'on n'avait pas du tout dans les années 80, de nouvelles techniques, notamment, ou des techniques qui se sont beaucoup améliorées récemment, comme ce qu'on appelle le géoradar, hein, et aussi le talent des prospecteurs, qui évidemment est extrêmement important, parce que c'est un travail d'artiste d'être des prospecteurs. Donc, enfin, on a des résultats probants sur ce terrain du Mont Beuvray, qui n'est pas facile, parce que c'est une montagne qui a été extrêmement perturbée par les épisodes de gel pendant le Quaternaire. Donc voilà, il y a beaucoup d'informations dans le sous-sol et trier l'information archéologique de l'information géologique n'est pas évident. Vincent Guichard, cela vous aurait permis de découvrir une sorte d'étrange bâtiment, peut-être même un lieu de culte dans une prairie qui était un temps occupée par des chevaux ? Alors, bon, ce parc aux chevaux, c'est un toponyme qui remonte au Moyen-Âge. Hein. Il y a une histoire du Mont Beuvray après Bibrac, dont je ne reviendrai pas plus là-dessus. Donc, je vous ai dit il y a un instant qu'on avait découvert un forum romain qui suit immédiatement la guerre des Gaules, une des plus anciennes constructions romaines au nord des Alpes, quelque chose de tout à fait stupéfiant. Mais on est à la quête depuis 30 ans d'une architecture publique, véritablement gauloise, de Bibracte, qui pourrait attester du fait que Bibracte était déjà une capitale au moment de sa fondation. Et je dois dire que moi, je commençais à désespérer de trouver quelque chose. Donc c'est une découverte qui a commencé il y a 4 ans. Alors on ne fouille pas très vite à Bibracte, on n'est pas dans le cadre des fouilles de sauvetage, on en fait le maximum dans un temps très court, si on a affaire à des fouilles dites programmées, donc menées par des universitaires. Et là, en l'occurrence, un consortium avec l'université de Franche-Comté et l'université de Paris-Sorbonne, qui a mis la main sur un des principaux replats au centre du site, sur une grande architecture qui se déploie largement en surface, qui dessine un carré parfait, qui fait 45 mètres de côté, hein, et qui n'a absolument rien à voir avec l'architecture domestique dont on est habitué à Bibracte. C'est une architecture en bois, néanmoins, comme les maisons de Bibracte avant la conquête romaine. Donc, et ça prend la forme d'une cour entourée d'un portique sur quatre côtés. À un moment de son histoire, on a même construit une énorme galerie, un énorme bâtiment, une espèce de halle au centre. Donc quelque chose d'imposant, à l'évidence un espace public. Et je dirais, cerise sur le gâteau, c'était la découverte de la campagne de l'été 2016. Dans sa conception initiale, cette place entourée d'un quadriportique est en plus entourée d'une construction à parement de pierre, qui est en fait un Murus Gallicus. Donc c'est la première occurrence que l'on ait dans le monde celtique de ces techniques de construction qui soient appliquées à quelque chose qui est non strictement militaire. Alors bien évidemment, c'est un vocabulaire militaire, c'est une esthétique militaire, hein, donc qui rehaussait, la mise en œuvre de ces techniques de construction rehaussait le prestige de cet espace à vocation collective. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau, d'exotique, de singulier. Et parce que c'est singulier, parce qu'il y a très peu d'objets sur le sol de cette construction qui nous indique quelle était la fonction ancienne, il est extrêmement difficile d'envisager de façon un peu sérieuse sa fonction. Peut-on y voir du religieux ? Et d'ailleurs, est-ce que vous avez des lieux de culte au Mont Beuvray, dans la ville de Bibracte ? On a des lieux de culte romanisés, hein, donc on a maintenant deux petits temples bien attestés, un qui est peut-être même fondé après l'abandon de Bibracte et un autre qui est fondé dans ces dernières années. Là, on n'a pas à faire une architecture qui est proprement cultuelle. Est-ce que l'on a déjà des choses romaines durant l'époque gauloise ? On connaît les liens, bien sûr, entre les Éduins et Rome. Est-ce que l'on construit déjà la romaine chez les Gaulois ? Alors, au moment où Bibracte est créé, donc les liens entre Éduins et Romains sont déjà très forts, en attestent des objets mobiliers. Hein, les amphores de vin italien arrivent en quantité considérable à Bibracte dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ça arrivait d'ailleurs en territoire éduin avant cela. Très tôt, les Éduins vont imité les images des monnaies de Rome sur leur propre monnaie, hein, dès la fin du IIe siècle, avant Jésus-Christ également. Les Éduins vont s'approprier l'alphabet véhiculé par les Romains, mais qui est un alphabet grec, paradoxalement, dès les années 80-70 avant notre ère. En revanche, pour l'architecture, on n'a absolument aucun indice de mise en œuvre avant l'époque du passage de César. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, que nous évoquons avec Vincent Guichard la ville gauloise de Bibracte. Ce qui est incroyable, c'est que l'âge d'or de la ville n'est pas la période gauloise, mais juste après, les années 25, donc post-conquête. Comment expliquez-vous cela ? Alors en fait, bon, Bibracte se développe, hein, devient de plus en plus important entre l'époque de sa fondation et jusque vers 20-15 avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que César, partant définitivement de Gaule en 51 avant Jésus-Christ, a laissé les Gaulois entre eux. Il a fait une organisation minimale qui était essentiellement destinée à lever l'impôt parce qu'il avait besoin de beaucoup d'argent pour payer ses troupes contre Pompée. Hein. Et donc la Gaule est restée entre elles. Déjà la paix romaine était installée, donc avec une prospérité qui a continué à se développer. Les choses vont être inversées très rapidement par l'empereur Auguste, donc successeur de César, probablement autour de 15 avant Jésus-Christ. Là, c'est la grande organisation administrative de la Gaule. On trace un nouveau réseau routier, on met en place un maillage de villes qui souvent sont dans des lieux différents. C'est à ce moment-là que Bibracte est abandonné et qu'on va reconstruire Bibracte à une vingtaine de kilomètres dans la plaine. Ça sera Autun. Vous la voyez péricliter cette ville ? Pas du tout. Hein. Je crois que c'est une nouvelle étape de développement. Donc, comme on l'a dit, Bibracte est transformée en capitale à la mode romaine par ses habitants, par ses élites au lendemain de la conquête de César. Donc, élite gauloise. Voilà. Et au moment où Agrippa, le gendre d'Auguste, met en place les axes structurants du réseau routier de la Gaule romaine, il y a un axe qui est l'axe Lyon-Boulogne-sur-Mer. Hein. Boulogne-sur-Mer, c'est le port de la flotte sur la mer du Nord. Cet axe, on va le faire passer le plus près possible du Mont Beuvray, au lieu de le faire passer par le seuil de Bourgogne, qui aurait été beaucoup plus logique, beaucoup plus économique. Et en contrepartie, les Éduins vont déplacer Bibracte dans la plaine. Donc une espèce de compromis, si vous voulez, entre la volonté du pouvoir romain et du pouvoir régional gaulois. Donc c'est aucun texte ne nous l'explique, mais c'est vraiment l'explication la plus plausible que l'on peut imaginer aujourd'hui. En tout cas, ce que vous voyez, c'est des phases d'incendie et puis des phases de déblais. Alors, l'histoire de Bibracte est celle d'une reconstruction perpétuelle de la ville. À chaque emplacement que l'on a fouillé, on a retrouvé 4 ou 5 bâtiments complètement différents. Donc c'est tout à fait étonnant. Aucun bâtiment de Bibracte n'a duré plus de 20 ans, hein, ce qui est tout à fait choquant pour nous qui prétendons construire pour l'éternité. Hein. Et par moment, ce qui provoque des reconstructions, ce sont des incendies. Les incendies, c'était un risque qui était permanent dans une ville où il y avait des centaines d'ateliers d'artisans du feu, notamment tout ce que l'on pouvait fabriquer à partir de métal, je dirais de la monnaie de métal précieux jusqu'aux roues de char, jusqu'aux armes. Hein. Donc il y avait certainement des incendies réguliers. Et il se trouve que peut-être, mais ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on affine dans les mois qui viennent, certaines séquences d'incendies ont été généralisées. Notamment, on semble en cerner une vers 20 ou 15 avant Jésus-Christ, qui aurait été déterminante dans l'histoire du site, puisque ce que l'on va reconstruire après sera moins dense, et ça sera le moment où on va commencer à investir Autun. Donc cet incendie, au début du règne d'Auguste, est peut-être si ce n'est le déclencheur, enfin, en tout cas c'est un moment où on voit Bibracte commencer à perdre de l'activité. Vincent Guichard, 30 ans de fouilles, ça y est, vous avez à peu près compris votre site, 5 phases donc de cette ville et la création d'un musée. Alors, en termes de fouilles, on a de moins en moins compris, si je puis dire, parce que c'est vrai que l'archéologie, enfin, comme toute discipline scientifique, c'est d'ouvrir de nouvelles portes pour en trouver d'autres, hein, fermées, un peu plus loin derrière. Donc, le programme de recherche ne cesse de se diversifier. J'ai parlé d'archéologie minière, on pourrait parler des campagnes qui étaient incroyablement densément peuplées. On peut parler des agglomérations satellites, parce que l'oppidum de Bibracte, c'est pas seulement un site fortifié, mais c'est également une grosse étendue. Donc, on travaille en ce moment sur une de ces agglomérations satellites. Et puis Bibracte, c'est aussi un projet territorial avec un volet culturel important, avec un musée qui est le seul musée qui, à l'échelle européenne, parle